Avoir envie se dit tener ganas. Ganas est toujours au pluriel. Donc, tengo ganas de, c'est j'ai envie de. Alors, comment direz-vous j'ai envie de rester ici? Tengo ganas. Tengo ganas, oui, de. De quedarme. Mm-hmm. Aquí. Très bien. Tengo ganas de quedarme aquí. Et j'ai envie d'aller là. J'ai envie. Tengo ganas. Tengo ganas, oui. J'ai envie d'aller là. D'accord. Aller là. Ir à qui? Non. Ali. Ali. Parce que « aquí » veut dire « ici ». D'accord? Donc, « tengo ganas de ir allí ». Allí, là. Et comment direz-vous « j'ai faim »? Tengo ganas. Non. De. Rappelez-vous le mot pour « faim ». Tengo hambre. Tengo hambre. Donc, vous avez faim et comment direz-vous j'ai envie de manger quelque chose. D'accord. Tengo ganas de... Tengo ganas de, oui. J'ai envie de manger quelque chose. Comer algo. C'est ça. Tengo ganas de comer algo.